7. Pikaouette veut nous dire quelque chose. Nous retrouvons Pikaouette, tout seul, au fond de la malle. Je crois qu'il veut nous dire quelque chose. Pikaouette, oui, tout à fait, je veux vous dire quelque chose. Je voudrais faire un résumé de la situation. Chagadel et Trompette se sont endormis, dans le froid de la nuit d'hiver, mais bien au chaud, grâce au gâteau magique d'Alan Pop. Quel curieux personnage, cet Alan Pop, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Avec ses Kila, ses Ei et ses Kitos, il parle une drôle de langue. Bizarre. Des fois, on dirait qu'il est gentil. Des fois, on dirait qu'il est méchant. Je ne sais pas trop quoi penser de lui, mais il chante bien. Et vous, qu'en pensez-vous? D'après vous, Alan Pop est plutôt gentil ou plutôt méchant? Moi, je ne sais pas encore. Il semble parfois gentil et parfois il semble méchant. Flagadelle et Trompette ne sont plus très loin du pôle Nord. Le Père Noël est triste, mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis endormi un petit peu. Je crois qu'ils ont parlé de moi. Quoi? Alan Pop a dit que le Père Noël voulait faire sa tournée de Noël avec moi? C'est vrai? Mais j'ai envie, moi. Je suis enfermé dans la malle depuis le départ. Je suis tombé dedans en voulant vérifier si Trompette n'avait pas oublié le chocolat. Et il a refermé la malle sur ma tête. J'étouffe, j'ai mal au ventre, parce que j'ai tout mangé le chocolat, et j'ai soif, je veux boire. Il me tarde qu'ils arrivent au pôle Nord et qu'ils ouvrent la malle. Ouvrez-moi, je veux sortir, je veux faire la tournée avec le Père Noël, Flagadelle, Trompette, Monsieur Pop. Vous voulez les appeler avec moi? Flagadelle, Trompette, Monsieur Pop.